J'aimerais, pendant le temps de partage, faire au moins trois réflexions dans le livre d'Amos. Donc, ça, c'est le prophète de l'Ancien Testament. Et la raison en particulier, c'est des réflexions que je vis ce temps ici, surtout dans le travail que fait Sandy ici dans le quartier, mais aussi certaines réflexions qu'on fait au sein de notre équipe à direction sur la question de la justice. Ce qu'on appelle souvent la justice sociale, mais je vais nuancer cette expression en quelques instants. Il y a quelque temps, je lisais un article dans un journal, un grand journal américain qui parlait du leadership. Et l'auteur, à la fin de sa description des leaders, il terminait en disant que malgré toutes les qualités qu'il faut avoir, qu'un leader doit avoir, il faut qu'elle admette en tout dernier lieu qu'ils sont souvent les victimes de la bonne chance. Moi, j'ai rigolé. Écoute, je suis Jésus, donc je ne suis pas vraiment un fanatique de la bonne chance. J'aime la bonne providence. La bonne providence se vit ce matin parce que, sans se consulter l'un l'autre, le partage de Daniel en Ésaïe 58 sur le vrai jeûne, c'est exactement ce que nous allons explorer en Amos. Donc, vive la bonne providence. Moi, j'aime dire que je suis le victime de la bonne providence. Samedi passé, pas hier, mais il y a une semaine, Sandy et moi, nous étions en Ontario, une église qui nous soutient financièrement, nous a invités de passer la fin de semaine avec eux. Et il y a une madame qui habite dans la région de London, en Ontario, et elle était... mon professeur d'école du dimanche, il y a 50 ans, quand moi j'avais 7, 8 et 9 ans, c'est elle qui était le prof, l'animatrice de ma classe d'école du dimanche. Pour vous qui ne me connaissez pas, moi, je suis né dans l'église. Je ne sais pas si ça fait de moi la victime de bonne providence ou non, mais en tout cas, mais cette madame a eu un impact indéniable dans mon cheminement. Donc, peut-être pour cette raison, il faut toujours prier pour nos profs et nos animateurs et animatrices d'école du dimanche. L'impact peut avoir des effets. Donc, Kay, c'est une madame merveilleuse. Elle a 87 ans et on a passé le matin ensemble. Et j'ai dit à Sandy par la suite, je suis la victime de la bonne providence de cette dame dans ma vie. Et comme vous savez, sur la question de la justice, mes pédagogues étaient mes amis haïtiens. Et j'ai énormément appris sur la justice à cause des 30 ans plus que Sandy et moi avons passé en Haïti. Les choses que j'ai apprises sur la pauvreté, sur l'injustice, sur l'économie, sur le micro-entreprise, c'était fait dans le feu de l'action. Dans ce pays. Et j'ai décidé, pour aujourd'hui, la semaine prochaine et peut-être un dimanche pendant l'été, de explorer ce qui est au cœur de la justice. C'est que Dieu poursuit toujours sa justice à travers son peuple. Pour ainsi dire, Dieu n'a pas un plan B. Il n'y a pas ici une idée qui s'appelle la justice. Et ici, une idée ou un groupe qui s'appelle son église, un groupe maison, une cellule, un groupe de chrétiens qui se réunissent régulièrement ou irrégulièrement. Non, non. Les deux se trouvent ensemble. Dieu ne poursuit pas sa justice indépendamment de son peuple. Et le texte que nous allons regarder ce matin et la semaine prochaine illustre qu'est-ce qui se passe quand le peuple de Dieu ne poursuit pas dans leur être en action cette justice. Et aujourd'hui, j'aimerais, j'ai choisi deux points d'application pour ma vie. Je vous les offre en conclusion. J'aimerais commencer avec deux petites réflexions préliminaires et ensuite concentrer ce matin sur Amos 1 et 2. Parce que le texte se divise très facilement. Les chapitres 1 et 2 d'Amos traitent le plaidoyer de Dieu contre 8 villes, nations différentes. Dans les chapitres 3, 4 et 5, ce que nous allons explorer la semaine prochaine, c'est le jugement que Dieu apporte, que Dieu dit, que Dieu constate sur son peuple. Et la conclusion dans les chapitres 6 et à 9 d'Amos, c'est 5 visions que Amos a eues sur la réalisation de la justice de Dieu. Commençons avec ces deux réflexions préliminaires. La première, c'est sur la justice. Qu'est-ce que c'est? Nous savons que le Dieu trinitaire de la Bible est un être en action. Pour ainsi dire, il n'y a pas un Dieu en arrière de Dieu. Pour ainsi dire, il n'y a pas un Dieu qu'on lit dans les textes qui fait quelque chose et un autre Dieu qui est là pour faire des choses, de nous traiter en marionnettes. Le Dieu trinitaire est un Dieu en action. Pour cette raison, il est tellement important de lire les récits de la Bible. Parce que c'est dans les récits que nous voyons Dieu en action. Et la façon de connaître Dieu, c'est de voir la façon qu'il agit. Donc, lorsqu'on arrive pour essayer de comprendre ce fil de justice à travers les récits, à travers les histoires de la Bible, il y a deux mots en hébreu dans l'Ancien Testament et un mot grec dans le Nouveau Testament. Mais l'idée, c'est que la justice est ce qui est droit, ce qui est le norme. Non, pas juste. Non, ce qui est droit, ce qui est... Trace la ligne. Ce qui est conforme à quelque chose. Donc, conforme à quoi? Conforme à la personne de Dieu. Donc, Dieu, dans sa personne, a établi la norme, a établi ce qui est droit, a établi ce qu'il veut. Donc, la justice n'est pas fondamentalement la loi, même s'il y a un volet de jurisprudence dans la justice. Mais la justice n'est pas fondamentalement la loi, et elle n'est pas non plus un simple attribut de Dieu, une qualité de Dieu. Non, c'est la justice salvatrice, la justice libératrice, la justice selon ce que Dieu a dit fondamentalement dans son alliance. Donc, le désir de Dieu est finalement de mettre les choses droit, de réaligner les choses selon la norme. Donc, la justice se réfère fondamentalement à cette idée incontournable, cette motivation incontournable de Dieu de remettre les choses droit. Et il faut poser la question, mais qu'est-ce qui est droit? Et c'est là où Dieu s'est révélé dans la création. Donc, s'il y a une raison pour laquelle nous, les chrétiens, devrons être préoccupés par l'écologie, c'est parce que le péché à détourner les choses écologiquement parlant. Et la justice, c'est de remettre les choses à la norme de ce que Dieu a fait lors de la création. Mais ce qui est fascinant, c'est une fois que la chute a eu lieu et les effets néfastes du péché sur la création et sur les créatures, qu'est-ce que Dieu a fait? Ben, Dieu a établi son alliance. Dieu voulait mettre les choses justes, droites, conformes aux normes. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Dieu a choisi Abraham, qui était le père des Juifs, pour le bien des nations. Et si on lit bien l'apôtre Paul en Romains 8, afin que la création soit restaurée. Donc lorsqu'on discute la justice, on ne va pas discuter la loi, on ne va pas discuter une idée nébuleuse, on va discuter la façon que Dieu, dans sa personne, a mis les choses selon une norme, ce qui est droit, et pour le faire, il s'est révélé dans la création et il voulait remettre les choses comme il a prévu par Abraham, aux Juifs, aux nations, pour la création. Comme j'ai dit, il n'y a pas de plan B. Dieu a toujours utilisé son peuple pour mettre sa justice en place, ce qui est conforme à sa personne. Ma deuxième réflexion est la suivante. Nous avons cette tendance fâcheuse de séparer notre propre justice en tant que peuple de Dieu et la justice dite sociale dans le monde. Pour ainsi dire, nous allons essayer de vivre juste et si ça nous tente, on va faire un plaidoyer contre les choses qui nous énervent dans le monde. Idée fâcheuse. Le mot justice dans la Bible apparaît 700 fois. Et l'idée dans les récits bibliques, c'est que Dieu veut poursuivre ce qui est conforme à sa personne et ça touche les gens, les choses, les relations interpersonnelles, les juges, les rois, les prêtres, tout le monde. C'est un désir de Dieu que les gens vivent des relations enrichissantes, épanouies, conformes à sa personne. Et tout cela, autant individuel que collectif, privé que public, ça reflète sa justice. Donc, lorsqu'on dit la justice sociale, en quelque sorte, on doit rigoler. Vous connaissez le petit mot, un oxymoron? Okay? Moi, je voyage souvent en avion entre Montréal et Toronto. Et ils appellent cela avec Air Canada « Rapid Air ». Ça, c'est un oxymoron. Okay? Les vols sont toujours en retard. Aussi, on parle d'un cadavre mort. OK? Oui, oui. Voilà, un oxymoron. OK? Un silence éloquent. OK? C'est des fausses amies. Donc, parce que la justice est fondamentalement interrelationnelle, on ne devrait pas être obligé de mettre le mot social devant le mot justice. Parce que la justice est par définition sociale. Et c'est là où il faut que nous comprenions pourquoi, et ça fait partie de ma deuxième réflexion, la raison pour laquelle il faut comprendre la pauvreté, surtout dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, et vu qu'on est en Amos, je vais surtout parler de la pauvreté dans l'Ancienne Alliance, il y a six mots différents pour les pauvres. Et le mot qui a utilisé Amos. C'est le mot que nous traduisons souvent dans nos éditions françaises. C'est le mot faible. Quelqu'un qui était faible ou pauvre était originellement les agriculteurs, paysans, les gens qui travaillaient les champs et ils ramassaient assez pour vivre de jour en jour. Mais ils vivaient parce qu'ils avaient leur terrain et ils étaient capables de s'aimer et de récolter assez pour probablement la famille élargie. Mais le mot a été utilisé pour les esclaves, les orphelins, les veuves, les étrangers, les opprimés. Il y avait un autre mot pour les plus pauvres des pauvres, mais ça, ce n'est pas le mot que Amos a utilisé. Mais quelque chose est arrivé à l'époque d'Amos. Dans le 9e siècle avant Jésus-Christ, il y avait trois rois. Saul, David et Salomon. Et avec la monarchie, ils avaient changé l'économie. Avant cette époque, si je voulais quelque chose, je négociais avec les gens. Après la monarchie, un système de le système monétaire a été établi, où il y avait la monnaie pour faire les transactions. Je vais illustrer. Voilà, injuste. il y a 3 ans, Ultramar m'a annoncé que mon réservoir de mazote n'était plus conforme à la loi. Il était plus juste. Maintenant, je ne sais pas qui a décidé de changer les règles de jeu, probablement Ultramar. Mais il fallait que je change le réservoir. Donc, pour vous qui me connaissez, vous savez que quand ça arrive pour faire des rénovations chez moi, j'ai 10 pouces. Okay? Je ne connais rien. Et en passant, je ne veux pas vraiment apprendre. Mais en tout cas, ça paraissait. Donc, j'ai un ami qui habite tout près de chez moi, et c'est un contracteur. C'est un Palestinien, il est chrétien, il vient de la Cisjordanie, et Youssef et sa femme Amal sont des grands amis de Sandy et moi. Donc j'ai dit à Youssef, j'ai dit, voici mon problème, peux-tu m'aider? Il dit, aucun problème, Glenn. Youssef et Amal fréquentent une église à Rosemont, une église anglaise à Rosemont. Et donc il a dit, Glenn, la seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est de bien préparer le terrain à côté de l'ancien réservoir. Et moi, je vais arriver avec le bois, le ciment, et on va faire une plateforme pour que, quand Ultramar vient avec le nouveau réservoir, tout va être en place. J'avais les dimensions, le tout. Donc, un samedi matin, Youssef est arrivé, il y avait le bois, il y avait tout son équipement, le ciment. Moi, j'ai pourvu l'eau. OK? Ça, c'était l'entente. On a tout préparé. Et après 3 heures du travail, la plateforme était toute faite. Il fallait juste attendre que le ciment sèche. À la fin, j'ai dit, Youssef, combien est-ce que je te dois? Et il m'a regardé et dit, Glenn, ça c'est une offense. Je dis, mais Youssef, t'as acheté le bois, t'as acheté le ciment, tu m'as donné 3 heures de ton temps, je te dois quelque chose. Il dit, jamais de la vie, tu es mon ami. Mais j'ai dit, mais Youssef, je peux au moins te rémunérer pour, peut-être pas la main-d'œuvre, mais au moins pour le matériel. Il dit, Glenn, les 3 prochaines fois que tu viens à mon église, prêche bien. Qu'est-ce que Youssef était en train de faire? Il était en train de négocier, de bargainer avec moi. OK? Aucun argent a été transacté. Ça, c'était le système avant la monarchie. Avec la monarchie, tout a changé. Et qui est désavantagé une fois que ça prend la monnaie? Les gens qui ont... qui n'ont pas, surtout les gens qui sont des agriculteurs. Ils ont beaucoup de terrain, beaucoup de champs, Mais leur marchandise ne vaut pas grand-chose. Et tout d'un coup, ces personnes faibles ont commencé de crier à Dieu. Mais le problème n'était pas simplement un problème monétaire ou social, c'était un problème religieux et spirituel. Parce que Dieu avait bien dit en Deutéronome 15 et le verset 4, il n'y aura pas de pauvres, de faibles parmi vous. Parce que d'être pauvre, d'être faible, n'était pas ce qui était droit, conforme au caractère de Dieu. Donc, il est peu surprenant que lorsqu'on lit en Lévitique 25, il y avait des lois de jubilé. Tous les 7 ans, multipliés par 7, donc tous les 50 ans, Dieu a dit au peuple, « Je veux que vous remettiez les choses à zéro. Les esclaves sont libérés, les dettes sont exonérées, la terre retourne à son propriétaire original, les pendules sont mises à l'heure, on recommence. » Chose intéressante, nous n'avons absolument aucun indice historique que les Juifs ont pratiqué les lois de la Jubilée. Et vous pouvez bien comprendre, OK? Vous êtes un jeune entrepreneur juif, vous commencez de ramasser et à l'an 48, vous dites, ouais, écoute, en 2 ans, il faut que j'efface les dettes des gens. Si vous êtes un créancier, vous dites, écoute, 2 ans, la vie va être belle. Non. Donc, les Juifs ont complètement ignoré Lévitique 25. Mais Amos ne l'a pas oublié. Et lorsqu'il arrive, et il dit dans le texte, « Je ne suis qu'un berger, et je dis ce que Dieu m'a dit à dire. » Et dans la ville des prophètes, à Bethel, et maintenant, Amos a parlé au royaume du Nord. Okay? Donc, il y avait la monarchie, les 3 rois. Ensuite, à peu près à 900, disons, au début du 9e siècle avant Jésus-Christ, le royaume a été divisé en 2 parties. Dans le nord, c'était Israël, sa capitale à Samarie. Partie sud, c'était Juda avec la capitale à Jérusalem. Amos venait du sud, mais il a prophétisé contre le nord. Et il y avait une colonie de prophètes dans la ville de Bethel. Et ils n'ont pas du tout aimé ce que Amos avait à dire. Donc, ils ont essayé de le museler. Et en chapitre 7, il dit, « Vous ne pouvez pas me museler parce que je ne suis pas un prophète professionnel. Je suis juste un berger et je dis ce que Dieu m'a dit à dire. » OK. Ça, c'est le contexte. Maintenant, Amos 1 et 2. L'image constante dans ce texte, c'est que Dieu est comme un lion qui rugit. Et constamment, cette image revient dans le texte. Et dans les 2 premiers chapitres, ce lion, à travers Amos, parle contre 8 villes différentes. Maintenant, regardez dans un premier temps la façon que le lion s'explique. Regardez dans le chapitre 1er, la première ville à qui Dieu, via Amos, va parler, ou contre qui il va parler, c'est Damas. « Ainsi parle le Seigneur, à cause des 3 et à cause des 4 rébellions de Damas, je ne révoquerai pas mon arrêt. » Okay? Regardez au verset 6. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, à cause des 3 et à cause des 4 rébellions, deuxième ville, Gaza. Verset 8. Ainsi parle le Seigneur, à cause des 3 et à cause des 4 rébellions de Tyr. Verset 9. Ainsi parle le Seigneur, à cause des 3 et à cause des 4 rébellions d'Édom. Il continue et il parle contre les Ammonites, contre les Moabites, finalement contre Juda et finalement contre Samarie. Mais les chiffres ne sont pas importants. Le fait que c'est 3 ou 4, ce n'est pas ça qui est important. Finalement, qui est en train de compter? Ce qui est important, c'est qu'ils ne font pas ce qui est droit, ce qui est selon la norme, ce qui est conforme au caractère de Dieu. Donc, Amos prophétise. Maintenant, écoutez ce qu'il a dit. Contre Damas, chapitre 1er, le verset 3, Dieu les condamne à cause de leur coutume guerrière, barbare. Le texte dit qu'ils ont passé leurs prisonniers de guerre à travers les machines qui a complètement écrasé les corps. Mes amis, vous savez pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devrions veiller sur notre gouvernement avec ce qu'ils ont fait avec les tribunaux en Afghanistan? Ou la raison pour laquelle nous, en tant que chrétiens ici à Montréal, devrions être préoccupés lorsqu'il y a un jeune Canadien dans les camps de guerre au Cuba, c'est parce que Dieu déteste les coutumes guerrières barbares. Dieu haït la guerre, mais lorsque la guerre propage ses coutumes barbares, Dieu dit injuste. Contre le Gaza, chapitre 1er, le verset 6, ils plaident contre le Gaza à cause de leur traitement injuste et raide contre Israël, parce qu'ils haïssent Israël. Mes amis, y a-t-il une raison pour laquelle nous, en tant que chrétiens, nous devrions être préoccupés par ce qui se passe en Cisjordanie sur le banc de Gaza? C'est parce que Dieu se soucie pour ce qui se passe dans ces régions. Nous ne pouvons pas simplement tourner la page dans la presse ou le Devoir ou dans le Journal de Montréal lorsqu'il parle de la Cisjordanie. Dieu se préoccupe par ces choses. Contre Tyr, chapitre 1er, le verset 9. Dieu, qu'est-ce qu'il contre la ville de Tyr? L'esclavage. La façon qu'ils ont échangé les esclaves. Y a-t-il une raison pour laquelle nous, en tant que chrétiens, nous devrions être préoccupés par le trafic des enfants et surtout le trafic sexuel des femmes et des jeunes enfants? Parce que ce n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Dans le chapitre 1er, les versets 11 et 13, Dieu parle contre la ville des Dômes et ensuite les Ammonites. Et qu'est-ce que Dieu a contre ces deux territoires? C'est les atrocités qu'ils ont faites contre les femmes, surtout les femmes enceintes. Y a-t-il une raison pour laquelle nous, en tant que chrétiens, nous devrions être préoccupés par ce qui se passe aux femmes au Congo avec la guerre? Imaginez, au Congo maintenant, la tactique primordiale de Rwanda et le Burundi et le Uganda contre les Congolaises, c'est quoi? Le viol. Nous ne pouvons pas simplement dire « c'est là-bas ». Parce que ce n'est pas ce qui est conforme, ce qui est droit, selon le caractère de Dieu. Et lorsqu'ils arrivent au Moabite, dans le chapitre 2 et le verset 5, qu'est-ce que Dieu a concernant contre les Moabites? C'est leur traitement des morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé les cadavres. Les cadavres sont devenus simplement des roches, la pierre. mes amis, lorsqu'on voit les génocides, nous devrions être préoccupés parce que Dieu estime même les morts. Ils sont dignes d'un enterrement digne. Parce que ces personnes étaient créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu veut même la justice pour les morts. Donc, Damas, Gaza, Tyr, les Édomites, les Ammonites, les Moabites. Vous pouvez facilement imaginer les Juifs. Ils sont là. Ils écoutent le discours de Amos. Et on peut facilement imaginer, ils commençaient de les applaudir. « Hey, oui, oui, vas-y Amos, pêche contre ces villes. Oui, oui, oui, oui, c'est vrai, ils sont un gang d'injustes. Oui, oui. » Et vous pouvez facilement, ils se pompaient, ils se pompaient. Et qu'est-ce qu'Amos va faire? Moi, je appelle ça une arnaque. Vous savez c'est quoi une arnaque? Lorsqu'on se fait arnaquer par la police, qu'est-ce que la police... Ils font une opération d'arnaque, un sting. Et c'est exactement ce qu'Amos fait dans ce texte. Les Juifs sont tout pompés contre ces 6 premières villes. Et qu'est-ce qu'Amos fait en chapitre 2 et le verset 6? Il plante Judas. Pendant qu'ils étaient en train d'applaudir, Amos tourne son regard et dit, « Hé, vous à Juda, vous avez rejeté la loi de Yahweh, de votre Seigneur. » Et ils deviennent tous rouges. Parce qu'Amos est en train de dire, « Vous êtes identiques à Damas, Gaza, Tyr, Édom, les Ammonites et Moabite. Il les a eus! Et lorsqu'il arrive à Israël, en chapitre 2 et le verset 11, maintenant, la liste des injustices est horrifiante. Ils ont vendu les justes pour l'argent. Ils ont échangé les faibles pour un père de sandales. Ils ont écrasé les pauvres. Quand ils marchaient, ils tassaient les affligés de leur chemin. Les pères et les garçons ont exploité la même jeune fille. Dans le texte hébreu, le mot pour jeune fille, c'est une fille qui a moins que 15 ans. Et ils ont complètement abusé la vie religieuse dans le royaume du Nord. Et pendant et à travers le livre d'Amos, il va continuellement revenir à cette liste. Donc, ce n'est pas simplement 6 versets dans chapitre 6, à chapitre 2. Ça revient constamment. Ces choses ne sont pas conformes à qui est Dieu, ce qui est droit. Probablement, ce qui est arrivé, c'est qu'à cette époque, dans le royaume du Nord, c'était une époque de prospérité économique. Économiquement parlant, les choses allaient très bien. Et les gens ont été anesthésiés contre ce que Dieu voulait. C'est comme ils étaient bouche bée ou ils fermaient leurs yeux. Pouvez-vous imaginer? Vous êtes sur un chemin et vous voyez un faible et le texte dit, vous avez tassé les faibles. C'est comme ils voulaient dire, ah, je ne veux pas vous voir. Ah, j'ai besoin d'un nouveau paire de sandales aujourd'hui. Ah, cherchons un faible. Je vais le vendre pour que je puisse avoir des mères sandales. Et le texte nous dit que cette prospérité les a anesthésiés, les a gelés contre ce qui est conforme à Dieu. tournez brièvement au chapitre 3. La semaine prochaine, on va examiner 3, 4 et 5. Mais écoutez bien ce que Dieu leur a dit au verset 10. Et vous savez, quand je partage souvent, j'utilise la Bible du Semeur, mais ce matin, j'ai opté pour la nouvelle tube qui vient d'apparaître, parce que le texte est tellement bien traduit ici. Ils n'ont pas le sens de l'action droite. Qu'est-ce que Dieu avait contre Israël? Ils ne savent pas... Comment est-ce que je l'ai traduit ici? Ils ne savent pas comment discerner l'action droite. Dans leur nature, ils sont devenus injustes. Leur vie ne manifestait pas ce que Dieu désirait. Donc, vous voyez le point. Voici le peuple élu de Dieu, choisi de Dieu. N'oublie pas, Dieu, Abraham, aux Juifs, pour les nations. Et 6 des 8 villes ne recevaient pas une incarnation, une démonstration de la justice de Dieu. Donc Dieu a, pour ainsi dire, blasté les 6 pour les raisons que j'ai énumérées. Mais fondamentalement, ce qui a préoccupé Dieu, c'est qu'il n'était pas la voie de ce qu'il désirait pour les nations. Il ne poursuivait pas sa justice. OK? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Voici 2 réflexions. Oh, même un troisième. Malheureusement, cette Bible n'existe pas encore en français. Mais mes amis à la Société biblique canadienne m'ont donné une copie. Et c'est une Bible qui parle de la justice. Mais regardez, chaque fois qu'il y a quelque chose sur la justice dans la Bible, c'est en orange. Et quand vous arrivez pour le livre d'Amos, voilà, exactement. Toutes les pages sont oranges. Moi, je peux avoir des copies, donc si ça vous tente d'avoir une copie de cette Bible en anglais, malheureusement. Ben, pas malheureusement, mais en anglais. Malheureusement. Oui, il faut qu'il le fasse en français. Mais je peux procurer des copies pour vous. Mais voici 2 points d'application. Il y a 2 semaines, Sandy nous a parlé de l'opération OPA. Okay? Évidemment, il y a le jeu de mots en français pour OPA. Mais il y a une semaine et demie, le regroupement œcuménique de Hochelaga. Donc, il y avait la paroisse Très Saint-Rédempteur, la paroisse Nativité du... Nativité de Saint-Jésus, oui. Saint-Vierge. Et nous, on s'est réunis ici pour faire l'exercice. On était pour explorer quels sont les enjeux pour nos 3 paroisses dans cette partie de la ville. Et il y avait des résidents qui sont venus aussi. La liste que nous avons soumise pour le comité a été une liste assez impressionnante. Et jeudi passé, avec Jacques, le regroupement s'est réuni juste pour valider ce que le sous-comité a assumé. Vous pouvez imaginer la liste d'injustices qui sont sorties. Mais voici une injustice auquel il faut que nous fassions très attention. Vous savez, depuis que l'arrondissement de Ville-Marie a nettoyé la prostitution dans le centre-ville. Okay? Je dis ça entre parenthèses, nettoyer la prostitution. Nous savons où se trouve la prostitution maintenant. Bon, ils ont dopé le problème chez nous, dans cette partie. Et vous savez où les hommes font le pipe dans le stationnement à Très-Saint-Rédempteur. Et vendredi après-midi, Sandy et Julia sont venus pour le vent de trottoir. Il y avait un monsieur d'un certain âge avec une jeune fille qui n'avait même pas 18 ans et faisait la pipe dans notre stationnement. Et mes amis, la prostitution est un exemple parfait de l'injustice, surtout chez nous. Parce que les hommes profitent des jeunes filles, ça c'est le trafic des jeunes. Et moi, je ne vise pas le jeune. Moi, je dis, il faut fermer le robinet. C'est souvent relié aux toxicomanies aussi. Donc, lorsqu'on lit Amos, il faut le contextualiser pour nous. Comment allons-nous apporter une justice, surtout pour les jeunes filles de notre quartier? Et comment allons-nous agir selon ce qui est conforme à Dieu? Le plaidoyer contre l'injustice sexuelle en Amos, c'est aberrant. Et il faut que nous soyons toujours conscients de ce qui est conforme à Dieu. Et l'autre chose, et encore, je ne vous dis pas quelque chose de nouveau, mais le décrochage scolaire de notre quartier, ça c'est un problème qui est loin d'être réglé. Vous savez que depuis il y a plus que 20 ans, j'étais impliqué dans l'éducation publique au Québec. Même j'avais un mandat avec le gouvernement aux années 90 sur le sujet. Mais le taux de décrochage ne bouge pas. Cette mois-ci, à Direction, nous avons publié un nouveau numéro sur le décrochage avec certaines données. Si vous voulez voir une copie, venez me voir après. Mais ce que moi j'ai dû apprendre avec le décrochage, on peut viser le jeune et dire, hey, décroche pas. Okay. Mais le jeûne, ce n'est pas le défi. C'est tout un réseau de facteurs et c'est ça qui est décrit ici. Mais voici peut-être le facteur qui est souvent négligé et évidemment le gouvernement ne veut pas en parler. C'est quoi le facteur? Voilà. Mais aussi, Martin peut nous en parler. Le régime pédagogique est un régime. Et si l'école est plate et le régime est un régime, le jeune, surtout les garçons, décroche. Maintenant, on ajoute à cela la communauté, les facteurs famille, les facteurs économiques. Les choses sont faites contre le jeune. Qu'est-ce qui est conforme au caractère de Dieu? Dieu aime les enfants. Dieu désire le mieux pour les enfants. Dieu a une option préférentielle pour les enfants et les adolescents. Et la raison pour laquelle nous devrions être préoccupés par le décrochage d'un autre quartier, c'est parce que Dieu est préoccupé. Donc, Amos, il nous trace un chemin. Et notre question, c'est comment allons-nous nous impliquer? Et je parle de qu'est-ce qui se passe avec le système économique et le trafic, surtout des jeunes filles dans notre quartier. Et peut-être nous devrions penser, si notre stationnement est le lieu d'action, comment allons-nous agir justement? Malheureusement, nos collègues à Très-Saint-Rédempteur, les pauvres curés, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sortent et ils voient que les couples sont en action? Ils disent, ben on attend, une fois qu'ils terminent, on va quitter. J'ai dit, jamais de la vie! klaxonnez! Faites un peu de l'action! Ne vous taisez pas! OK? Agissez! Ah, oh, mais Glenn, on ne sait pas quoi faire. Non, c'est en plein jour. En plein jour, ils prennent des photos. Alors, en tout cas, tout ça pour dire, Emma, c'est aussi contextuel pour nous le 5 juin 2011, qui était 7 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Agissons justement. Parce que, comme j'ai dit, Dieu n'a pas un plan B. Son plan A, c'est d'utiliser son peuple pour poursuivre sa justice. Prions-en. Tu es notre Créateur. Et nous adressons nos prières à toi ce midi. Merci pour Amos. Et merci pour le fait que tu veux poursuivre ta justice à travers nous. Et Seigneur, malgré les enjeux qui sont des fois tellement lourds, Seigneur, donne-nous le savoir-faire, le savoir-être, et le courage d'agir à ce qui est conforme à ta personne. Parce que nous savons que toi, tu veux que ton nom rayonne dans notre milieu. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée.